ça. Si vous en cas songez, pour qui tout s'arriver. Même si en fait des cas, vous pardonnez-moi. Quand il y a envie, dites-vous qu'il est vraiment désolé. Enlevez l'entrée. Ouvrez la porte. Parce que ça pas vrai, ça y est, dis-vous.